Ceci est un audio généré issu de l'article Opération Ajax, le jour où la CIA a fait tomber l'Iran et changer le monde pour des décennies, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. En 1953, l'Iran ne bascule pas par hasard. Derrière le chaos, on retrouve un plan secret, des intérêts pétroliers énormes et une opération menée dans l'ombre par les services américains et britanniques. Avec le temps, des archives déclassifiées ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà, le renversement de Mohammad Mossadegh n'a rien d'un simple accident de l'histoire. Des documents officiels publiés par la CIA, le département d'État américain et des centres d'archives indépendants montrent comment ce coup d'État s'est construit pas à pas. Dans cet épisode, on va prendre le temps de dérouler cette histoire. On va voir qui était vraiment Mossadegh, pourquoi il dérangeait autant, comment l'opération Ajax a été montée, et surtout ce que tout ça a laissé comme cicatrice durable entre l'Iran et les États-Unis. On va rester sur un langage simple, mais sans édulcorer ce que les archives racontent vraiment. Première partie, qui était Mossadegh, et pourquoi il dérangeait autant. Mohammad Mossadegh, ce n'est pas un extrémiste sorti de nulle part. C'est un premier ministre iranien, nationaliste, attaché à la souveraineté de son pays, et populaire auprès d'une grande partie de la population. Il arrive au pouvoir avec une idée simple à comprendre mais explosive pour l'époque, l'Iran doit reprendre le contrôle de ses richesses, en particulier de son pétrole. À ce moment-là, le pétrole iranien est largement dominé par une compagnie britannique, l'Anglo-Iranian Oil Company, qui deviendra plus tard BP l'Iran produit, mais ne récupère qu'une faible part des bénéfices. Pour beaucoup d'Iraniens, c'est une humiliation permanente. Mossadegh décide donc de nationaliser le pétrole. Dit autrement, il veut que l'État iranien prenne la main sur cette ressource stratégique. Sur le papier, ce geste semble logique et même légitime du point de vue d'un pays du Sud qui veut s'émanciper. Mais pour le Royaume-Uni et, bientôt, pour les États-Uni, cette décision sonne comme une menace directe. Du côté américain, la situation se lit aussi à travers le prisme de la guerre froide. À Washington, certains craignent qu'un Iran instable finisse par ouvrir la porte à l'Union soviétique. Dans les comptes rendus diplomatiques de l'époque, on voit bien cette inquiétude monter. Mossadegh n'est pas communiste, mais on le perçoit comme trop indépendant, trop imprévisible et trop décidé à défendre la souveraineté de son pays. C'est ce mélange explosif au nationalisme iranien, intérêts pétroliers occidentaux, peur de Moscou, qui va transformer un conflit économique en opération secrète. Deuxième partie, le vrai nerf de la guerre, le pétrole iranien. Si on retire les discours officiels, il reste une question centrale, qui contrôle le pétrole iranien, et qui en profite vraiment. La nationalisation décidée par Mossadegh remet tout en cause. Du point de vue iranien, c'est une reprise de contrôle. Du point de vue de Londres, c'est une expropriation inacceptable. Le Royaume-Uni engage rapidement une pression maximale, sanctions, blocus, procédures juridiques, campagnes diplomatiques. Mais malgré tout, Mossadegh tient bon. C'est à ce moment que les États-Uni entrent pleinement en scène. Au départ, Washington hésite. Mais progressivement, les responsables américains se rangent du côté britannique. Le pétrole reste au centre du problème, même si, dans le langage officiel, on commence à parler surtout de « stabilité », de « menace soviétique » et des « intérêts du monde libre ». C'est un point important pour comprendre la suite. Dans les documents déclassifiés, on voit très clairement que la question pétrolière est omniprésente. Mais dans la communication publique de l'époque, ce thème a sa l'arrière-plan. Officiellement, il s'agit de protéger la région contre le communisme et de préserver l'ordre. Officieusement, on cherche surtout à rétablir un système favorable aux intérêts occidentaux. C'est aussi pour ça que, aujourd'hui encore, les recherches autour de « coup d'État Iran 1953 » ou « CIA documents déclassifiés Iran » restent si nombreuses. Elles visent justement à décortiquer cet écart entre les raisons affichées et les raisons réelles. Troisième partie, Opération Ajax, le plan secret CIAEMI6. Le renversement de Mossadegh porte un nom de code, Opération Ajax. Derrière ce nom apparemment anodin, on trouve une opération conjointe entre la CIA américaine et le MI6 britannique. Pendant longtemps, ce rôle a été minimisé, voire nié. Mais à partir des années 2000, puis surtout dans les années 2010, plusieurs documents officiels sont rendus publics. Des études internes de la CIA, des volumes de la série diplomatique « Foreign Relations of the United States » et des compilations d'archives par des centres indépendants comme le National Security Archive confirment la nature et l'ampleur de cette opération. Concrètement, L'objectif d'Ajax est simple, faire tomber Mossadegh et remettre le Shah au centre du jeu politique iranien, avec un gouvernement plus docile vis-à-vis des intérêts occidentaux. Pour y arriver, l'opération va combiner plusieurs leviers. Pression politique et diplomatique. Soutien à certains acteurs iraniens hostiles à Mossadegh. Propagande organisée, y compris via la presse. Action clandestine sur le terrain, destinée à créer une impression de chaos et de rejet populaire. Les premières tentatives échouent partiellement. À un moment, certains responsables américains envisagent même d'abandonner le plan. Mais la dynamique finit par se retourner. Des manifestations, des heurts dans les rues de Téhéran, des mouvements militaires finissent par créer la bascule. Ce qui frappe, quand on lit ces archives, c'est l'écart entre le récit simplifié, le pays était au bord du chaos, il fallait rétablir l'ordre, ou est la réalité beaucoup plus construite, une série d'actions coordonnées, ajustées au fil des événements, pour amener le pays au point de rupture souhaité. Quatrième partie, propagande, rue et argent, la mécanique du basculement. Un coup d'État moderne ne ressemble pas forcément à un simple assaut militaire. Dans le cas de l'Iran en 1953, la rue devient un terrain central. Des témoignages et des analyses basées sur les documents déclassifiés décrivent une stratégie qui combine propagande, manipulation de l'opinion et usage ciblé de l'argent. Des journaux alimentent une image de Mossadegh présentée comme dangereux, instable ou incapable de gouverner. Des rumeurs circulent. Des groupes sont encouragés à descendre dans la rue. Certains acteurs locaux, politiques ou religieux, jouent un rôle clé après avoir reçu des soutiens plus ou moins visibles. La frontière entre la colère spontanée et la mise en scène devient floue. C'est justement cette zone grise qui rend cette histoire si troublante. Quand on écoute ces récits, on comprend que l'émotion populaire n'est pas toujours purement spontanée. Elle peut être amplifiée, orientée, utilisée. Ce n'est pas pour rien que de nombreux chercheurs décrivent ce coup comme un « manuel » d'intervention clandestine en politique intérieure étrangère. L'opération implique peu de soldats étrangers visibles. En revanche, elle mobilise beaucoup de leviers indirects pour obtenir un résultat décisif, tout en laissant, pendant un temps, l'illusion d'une dynamique interne. Pour un auditeur d'aujourd'hui, cette mécanique résonne avec d'autres épisodes plus récents où la frontière entre mouvements populaires authentiques et influences extérieures reste débattue. Cinquième partie, après le coup, le Shah, la peur et la colère. Une fois Mossadegh renversé, le Shah retrouve une position dominante. Pour Washington et Londres, c'est une victoire. Le pouvoir iranien semble de nouveau, fiable et aligné. Mais ce qui apparaît comme un succès à court terme contient en réalité une bombe à retardement. Une grande partie de la population iranienne garde la mémoire d'un premier ministre populaire renversé avec l'aide d'acteurs étrangers. Pour beaucoup, 1953 devient le symbole d'une souveraineté confisquée. Le régime du Shah se durcit. Police politique, surveillance, répression des opposants, la peur s'installe. Pendant un temps, le système tient. On pourrait croire que l'affaire est réglée. Mais la colère continue de couver sous la surface. Quand la révolution iranienne éclate en 1979, l'ombre de 1953 revient pleinement. Dans les discours, dans la mémoire collective, le coup d'État soutenu par la CIA apparaît comme l'un des tournants qui ont fracturé la relation entre l'Iran et les États Unis. On ne parle plus seulement d'un événement ancien. On parle d'un point de bascule qui a nourri la méfiance, puis l'hostilité, pendant des décennies. Les relations actuelles entre Téhéran et Washington, marquées par les crises, les sanctions, les tensions régionales, restent en partie incompréhensibles si on efface ce moment de l'histoire. Sixième partie, pourquoi 1953 continue de peser sur le présent? Pourquoi revenir encore et encore sur cette affaire? Parce qu'elle ne se limite pas à une page tournée des années 50. D'abord, ce coup d'État agit comme un modèle. Des journalistes et des chercheurs ont montré que l'opération iranienne a servi de référence à d'autres interventions clandestines menées pendant la guerre froide. Dans ce contexte, l'Iran de 1953 n'est pas un cas isolé, mais un laboratoire. Ensuite, l'épisode nourrit une méfiance structurelle. Du point de vue iranien, il reste la preuve qu'un gouvernement jugé trop indépendant peut être renversé sous prétexte de stabilité ou de lutte contre une menace idéologique. Du point de vue américain, la mémoire officielle a longtemps atténué ce rôle, avant que les archives ne le mettent en pleine lumière. Enfin, cet épisode explique en partie pourquoi les discussions actuelles sur le nucléaire, les sanctions et la sécurité régionale sont si chargées. Derrière les dossiers techniques, il existe une mémoire profonde, celle d'un pays qui a vu un de ses dirigeants chassé avec l'aide de puissances étrangères, et celle d'une superpuissance qui a utilisé ses services secrets pour redessiner la carte politique d'un autre État. C'est aussi pour cette raison que les mots UCLECOM, coup d'État iran 1953, document déclassifié CIA, ou opération Ajax, restent très recherchés. Ils renvoient à une histoire où archives, géopolitique, pétrole et manipulation se croisent. Dernière partie, pour aller plus loin avec des sources solides. Pour ceux qui veulent approfondir au-delà des résumés, plusieurs sources sérieuses existent. D'abord, la série officielle, Foreign Relations of the United States, souvent abrégée en FRUS, consacre un volume entier à l'Iran pour la période 1951-1954. Ce volume rassemble des télégrammes, des notes et des comptes rendus de réunions issues du Département d'État américain. Ensuite, le National Security Archive, basé à Washington, a publié plusieurs dossiers thématiques sur le renversement de Mossadegh. On y trouve des analyses, mais aussi des documents bruts, déclassifiés au fil des années. La CIA, de son côté, a mis en ligne une étude interne sur le coup d'État de 1953. Ce texte ne dit pas tout, mais il montre que l'agence reconnaît explicitement son rôle dans l'opération. Du côté des ouvrages, on peut citer par exemple « All the Chaos Men » de Stephen Kinzer, qui raconte en détail la préparation et les conséquences du coup d'État, ainsi que les travaux d'historiens comme Ervan Abrahamian, qui replace cet épisode dans l'ensemble des relations entre l'Iran et les États-Unis. En écoutant cette histoire, une question reste en suspens. Quand un événement présenté pendant des années comme une nécessité historique apparaît, archive à l'appui, comme une opération planifiée dans l'ombre, qu'est-ce que cela change dans la manière de lire le passé et de regarder les crises d'aujourd'hui ?